facilement viennent vers de jeunesse, mais jamais le flux précis. Le flux précis des entrelacs me dira l'essence. Envolée en partage, que le sol revenu trop vite blesse. Il fallut tant de constantes, reprises pour contrer sa puissance. Soit dit, je navigue dans la vision unique d'elle, seule personne drapée de nos langages, au risque réalisé de perte. Sa vision, je jette les suivants qui s'amoncellent. La torsion amnistie ses lèvres, le velours de sa fortune ouverte. Avec prudence, enchantement, circonstancié.